Yes! Salut gang! Donc ceci n'est pas l'épisode 33. Ceci est plutôt pas un teaser, mais comment je pourrais expliquer ça? Un questionnement à savoir qu'est-ce que serait l'épisode 33, peut-être, ouais. Ça pourrait être ça. En fait, comme je me cherche souvent des sujets sur quoi parler et que ça ne me tente pas de prendre un sujet sur lequel que j'ai pas vraiment d'opinion ou qui vient pas me chercher. C'est souvent une des raisons pourquoi que j'ai pas des épisodes à tous les semaines steady. Et aussi, ben là, ces derniers temps, c'est sûr que bon, je vais me trouver une petite défaite. J'étais extrêmement fatigué de par mon changement radical de job et d'orientation de carrière. Et parce qu'il y avait la vente de la roulotte aussi. Fait que ça faisait comme beaucoup en même temps, c'était gros, fait que j'arrivais à la maison, brûlé tight. Donc, voilà. Ceci est mon semblant d'excuse pour ne pas en avoir fait la semaine passée. Mais non. Tout ça pour dire que je me suis trouvé possiblement un sujet. C'est-à-dire que j'ai vu à la télévision, et là, si vous pensez que je suis en train de faire quelque chose que l'on fait normalement lorsqu'on est seul dans notre chambre, non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de prendre une marche avec le chien au parc. Donc, c'est pour ça que la voix coupe un peu. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai vu trois pubs, en fait, qui font jouer back-à-back. Je pense que c'est la SAQ qui fait jouer ça. C'est des pubs qui disent de faire attention aux automobilistes. Pas aux automobilistes, de faire attention aux cyclistes, aux piétons et aux motocyclistes. Et les trois s'adressent aux automobilistes, justement. Et là, moi, j'étais un petit peu comme... Ça vient me chercher un peu, ça me manque pas maudit. Mais l'affaire, c'est que je vous ai déjà parlé de ça, un peu de ce que je pensais. Je vous ai déjà parlé de mon point de vue là-dessus. Mais astille, j'aurais le goût de revenir là-dessus, justement, parce que là, ils viennent de commencer à présenter des pubs de ça. Ça me... Ah, j'aime pas ça, l'angle qu'ils ont pris. Et je voudrais appuyer le tout, et surtout là, mon questionnement, c'est... je voudrais appuyer ça par un sketch de l'humoriste Pierre Légaré qui ne fait plus de... Il fait plus rien, vraiment. Lui, il avait arrêté, je pense, parce que... Je pense que la scène le stressait trop, quelque chose comme ça. Mais humoriste très, très, très, très, très intelligent. Donc, c'était excellent. C'était un long sketch, quand même. Et là, je me demandais... Je peux pas vous mettre juste un petit bout, parce que... Tu sais, ça serait sortir de son contexte, puis il y a des affaires qui ça prend le début pour comprendre un peu plus loin. Donc, j'aurais le goût de vous présenter ça. C'est sûr que je commenterai en même temps. Ou que je ferai des petites pauses pour vous dire certains commentaires. Mais en gros, j'énoncerai mon point de vue, puis je vous ferai jouer cet extrait-là. L'affaire qui me chicote, c'est que ça ne serait pas du contenu original de moi, tu sais. Puis c'est ça qui me fait un peu dire, qu'est-ce que tu t'ajoutes cheap un peu, là, tu sais. T'as choisi le chemin facile, tu dis ouais, mon podcast, puis je fais jouer quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Fait que ma question est celle-ci. Est-ce que ça vous dérangerait d'avoir un épisode comme ça? Bien sûr, ça serait pas juste le sketch comme tel, mais la majeure partie serait probablement le sketch de Pierre Légaré. Là-dessus, je voudrais pas jouer le show ça, au complet, là, on s'entend, mais juste la partie qui parle de ça, justement, des cyclistes et de la sécurité et de la bonne conscience que chacun doit avoir, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment excellent et on n'entend plus parler de lui, donc je trouve que ça serait une bonne manière en plus de se souvenir de Pierre Légaré, de son humour ultra intelligent. Donc je vous pose la question. Répondez-moi dans les petits commentaires en dessous, s'il vous plaît. Donc si ça vous tente, oui. Si ça vous tente pas, non. Si vous dites « je le sais pas », dites-les pareil. Dites-moi mes affaires. Si je vois que le monde ne sont pas plus intéressés que ça, ben, je vais forcer le plus possible de trouver d'autres choses parce que j'ai vraiment le goût de parler dans le micro. Et ben c'est ça. Mais là, j'ai trouvé ce sujet-là. Ça fait un bout que je veux le présenter à large, ce sketch-là, parce que c'est comme tomber dans l'oubli. Donc, sans plus de commentaires de ma part, je vous pose la question. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir l'épisode 33 sur le sujet d'automobilistes, cyclistes, piétons, motocyclistes, et qui serait majoritairement appuyé par un sketch, je me souviens plus combien de temps ça dure, mais c'est quand même assez long, de l'humoriste Pierre Légaré, voilà. Alors, j'attends vos commentaires sur ce. Bonne soirée, et puis à l'épisode 33, tout le monde, qui devrait sortir bientôt. C'est ça. Yes! Salut! Ah, coucou!